Monsieur Tefousmé. Parfait. Monsieur Tefousmé. Quels sont selon vous les mécanismes, Monsieur Tefousmé, vous avez la parole. Quels sont selon vous les mécanismes dont de riposte pour mettre définitivement un terme ou alors pour limiter ce fléau? Écoutez, il faut tout d'abord condamner toute prise de pouvoir par la force. A priori, il en a essayé donc, de renverser un président d'un pays souverain. Donc il faudrait surtout insister sur ce point de vue-là, qui à mon avis est très très important. Maintenant, si on devait analyser les choses globalement, il faudrait d'abord situer le pays de la Guinée équatoriale, qui est dans le golfe, la Guinée qui est à ma foi un coin géostratégique, une part tournant du commerce énergétique, qui est convoité par pas mal de puissances étrangères, notamment américaines, françaises, espagnoles et chinoises. Savoir que chacun donc use les moyens qui sont les siens pour s'imposer sur cet échiquier géopolitique, savoir que les Chinois investissent dans l'infrastructure, les Américains on est en sécurité, la France sur on va dire au développement du pays, et chacun, comme je vous disais, y va avec ses arguments. Bon, maintenant, si on devait condamner ou analyser les choses de près, il faudrait revenir au printemps arabe, tout a commencé avec ce qu'on appelle le printemps arabe, qui on n'était pas invité tous, sauf un printemps, c'est beaucoup plus un automne, comme l'appellent les journalistes arabes. Ça a commencé en 2011 avec la destruction de la Libye, et c'est suite à cet événement-là, justement, que le terrorisme islamiste, surtout, s'est propagé tout au long du Sahel. On le voit aujourd'hui un peu partout, hein, donc, que ce soit de la Corne, de l'Afrique, de l'Est, et maintenant même du côté de l'Afrique centrale. Malheureusement, nous autres, nous n'avons toujours pas compris quels sont les enjeux, justement, de cette politique, parce que, au départ, dès 2004, les Américains avaient mis en place ce qu'on appelle le GME, le Great Middle East, ou le GMO, le Grand Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'il fallait fractionner la zone du Moyen-Orient, donc en petits états, donc confessionno-ethniques ou ethnico-confessionnels, pour justement contrôler les richesses de cette région-là, à savoir qu'aujourd'hui, la Syrie est divisée en trois cantons. Vous avez le côté est de la Syrie qui est riche en terres fertiles et en pétrole. C'est pour faire le parallèle entre la Guinée et ce qui se passe. Donc, on a divisé ce pays, on a divisé l'Irak, on a essayé aussi avec l'Iran, malheureusement ça n'a pas marché pour eux. Et vous avez maintenant l'Afrique. L'Afrique, sur le plan cartographique, la cartographie politique, depuis 2011, on a essayé justement de changer cette cartographie, pas géographique, mais surtout politique, c'est-à-dire enlever un président et en mettre un autre pour qu'il soit aux ordres et s'agir pour servir les intérêts capitaux de ces pays. L'Espagne fait partie des pays de l'OTAN. L'Espagne, quand elle avait un contentieux en automne dernier avec l'Algérie, avait sollicité l'OTAN, et donc l'Algérie avait intercepté une missive secrète émanant du commandement de l'OTAN qui disait qu'il fallait garder l'Algérie à l'œil parce qu'elle dérange nos objectifs du côté espagnol, plutôt européen de l'Europe du Sud. Et puis ma foi, on le voit bien aujourd'hui qu'en Guinée équatoriale, les Espagnols sont pratiquement dans cette logique de domination. Ils ont en face d'eux un président très rigide qui est très très pointueux, très exigeant en ce qui concerne les concessions pétrolières au large justement de la Guinée équatoriale, à savoir qu'il y a deux compagnies qui opèrent dans ce pays, à savoir la CEPSA et la Spanish Gulf Oil Company, qui est dans ce bassin-là, et ma foi, les Espagnols, encore une fois, on n'a pas peut-être toutes les preuves nécessaires pour accuser formellement l'Espagne, mais il n'est pas exclu que ce pays tire les ficelles, justement, de ce qui se passe en Guinée équatoriale et qui, ma foi, voudrait qu'il y ait un changement à la tête de ce pays, surtout qu'ils ont donc on va dire, un opposant traditionnel à Théodore Obiang, à savoir Monsieur Severo Moto Nsa, qui malheureusement pour lui, encore une fois, il a raté son coup en 1997, il a essayé de renverser l'actuel président, donc une tentative perdue, et justement on n'en est pas au premier ni à la dernière tentative de putsch. Les mercenaires qui ont été arrêtés, certainement, donc ils ont été, embrigadés et puis payés par une force tierce, c'est-à-dire les pays avec bien sûr le concours des services secrets. Et on voit bien que le Soudan du Sud, qui entretient d'excellentes relations avec Israël, à savoir que le président Obiang, il faut le reconnaître, a déplacé son ambassade à Jérusalem-Est. Donc, c'est-à-dire, il a reconnu la capitale Jérusalem comme capitale éternelle de l'État hébreu avec lequel il entretient quand même des étroites relations. Et c'est ça qui fait que, quelque part, il a été, on va dire, aidé par ce pays pour contrer ces terroristes. Là, c'est une information qu'il ne faudrait pas donc négliger. C'est-à-dire qu'on se croit. Il a le droit de nouer des alliances avec qui il veut, s'il dit. Mais toujours est-il que ce monsieur, il faut le dire, c'est un monsieur qui a quand même un moral d'acier, qui ne se laisse pas faire, et c'est la raison pour laquelle les Espagnols qui ont des intérêts capitaux et stratégiques dans le coin essayent par tous les moyens de le déloger de son poste de président. On le voit bien aujourd'hui. Afrique Média, le monde, c'est nous.